Je suis parti de rien pour arriver chez toi. T'étais pas loin, mais pas là. J'ai fait des pieds et des mains pour qu'on s'occupe de moi. J'étais pas rien, mais pas roi. Approximatif. Pourquoi t'es jamais sur ma rive? Jamais la même heure ni le même ton. Jamais, jamais un pont. J'ai fait des chants du soir exprès pour que tu pleures. C'était pas de la valeur. J'ai fait des chants du jour dans la rue du départ sur ton retour, mais trop tard. Approximative. Jamais vraiment là quand j'arrive. Est-ce qu'on est du même hémisphère, du même côté de la terre? J'ai touché ton étoile de ma flèche imbécile. C'était pas mal, mais pas le mieux. Approximative. Pourquoi t'es jamais sur ma rive? Approximative. Jamais vraiment là quand j'arrive. Approximative. Des sensations qui s'écrivent. Approximative. Comme deux continents qui dérivent.